frais Dural. Mais là, tu m'entends? Là, GG. GG. Ouais, je t'entends, ouais. GG. Oui, je t'entends, ouais. Allô? Tu m'entends là? Oui? Ça y est, là, tu m'entends? Moi, je t'entends. Oui, je t'entends. Tout à l'heure, là. Allô? Oui, je t'entends. Tu m'entends là? Bah tout à l'heure je t'entendais pas. Oui. Oui maintenant ouais. Attends 2 secondes, j'essaie de trouver le logiciel du la carte son. Non parce que je viens de changer les paramètres de ma ouais. carte son, c'est pour ça. C'est normal quand je m'entends j'ai un petit peu de latence. Bah, je te l'ai envoyé en lien normalement dans le truc là. Ah ok. Alors t'as voir. Ediroll. Attends j'essaie de voir pour ta. Bah c'est parce que t'as une carte son du PC, c'est pour ça. Il faut une carte son externe. Ah merde. Ouais, parce qu'en fait, le MSN est sur mon Mac. Cam, c'est pas le top, quoi, tu vois. Ouais, parce que sur le MSN, je suis sur mon Mac. Ouais, non, mais ouais, c'est sympa. Et sur le Mac, t'arrives pas à installer Linjam correctement en changeant les pilotes et tout. Tu pourras brancher ta batterie directement dessus, alors sur ton truc. Bah non, c'est ça que je comprends. Ah. Attends, voir. Tu sais quoi, je vais essayer bah, de le relancer. Si attends 2 secondes, hein. Tout ça, il y en a pour 2 secondes. Je regarde juste dans les paramètres. Attends. Ninja. Ouais. Ouais, non, mais attends. Non, parce qu'en fait, j'ai pas l'option, là, comme la version Windows. Parce que j'ai cut, copy, paste, unmatch style, je sais pas c'est quoi. Après, find. Non, j'ai même pas. Ouais, sur Mac, c'est différent. Après, j'ai fine. Après préférence, service, et c'est tout ce que j'ai en fait. Attends, préférence. Il y a input de vis. Ah, il y a built in microphone et tout, mais je sais pas, je comprends rien. Ah, normalement, c'est ça, input et output. Hein. Non, sinon, je laisse mon PC input portable device, et output c'est pas plus mal. Alors, attends. Ouais, attends, tu sais quoi, je vais mettre le lien sur ma. Bon, tu vas me trouver le lien, connard. Ah bah quand même. Alors c'est UA, driver. C'est. Ah il y en a plein. C'est lequel que. Ah ouais, il y a le Mac, Windows 7, Windows 7. Windows Vista. Voilà, XP. Hein? Ouais, il faut que tu prennes. Pourquoi galérer? Il y a deux versions de Windows XP. Tu prennes le pilote pour XP. Ouais, parce qu'il y a galéré, Windows 2000, il y a x64 pour éditions. Ouais, ok, d'accord, down. Ouais, quel paramètre crois, non down node. Quoi, il veut pas. Hein yeah. Il veut yeah. pas me télécharger. Ah ok, j'accepte. Alors je vais l'enregistrer. Je vais mettre sur ma clé USB. Ça va, t'es bien rentré aujourd'hui. C'était un peu moins. Un peu moins bizarre. Bah, je suis rentré hier. Ah, je suis rentré hier. J'ai galéré pour rentrer. Ah, t'es rentré hier quand même. Je pensais que tu allais quand même chez ton père. Ah. Non, je suis rentré hier. Tu entends bien la gratte là? GG. Ouais, franchement, nickel. Ça, c'est n'empêche que j'aurais pas de disto en fait sur ma carte son. Ou à moyen, s'il y a moyen que je branche une pédale d'effet ou quoi, il y a moyen dessus. Ah, Guillaume? T'as où ma clé Tu USB, peux bordel? la pédale d'effet, lui. Hein. Oui, tu mets la pédale d'effet Attends, attends, directement dans attends, le attends. son. Hein. Fichier bordel. Yeah, motherfucker. Bon, c'est pas grave, je vais mettre sous ma carte là. De quoi? Yeah, rock and roll. J'ai un casque là, en ce moment. Oh, tapette. Ouais, je suis un casque. OPD. Hein? Oui? Ouais, c'est mieux, faudra Oui? que tu joues au casque. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, oui? Ouais. Mais tu m'entends là, ouais? Faudra que tu joues au casque. Tu m'entends là? Tu m'entends? Bah oui, je t'entends, sinon je te répondrai pas, réfléchis. Oui, je sais, mais est-ce que tu m'entends là? Bah oui, je t'entends, sinon je te répondrai pas. Va te faire foutre. Ah, ok, oui, ça va. Bah oui, je t'entends. Alors, mais non, c'est bon, j'ai compris. Ah oui, je t'entends. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Voilà. Voilà. Éjecté. Ouvrir. U1. Je sais même pas s'il me l'a installé la carte son là, c'est quoi ce délire? Mais après, il faut que tu changes tous les paramètres audio Ça du y est. PC et tout. Ah, GG. Oui, ça je sais. T'auras installé. Mais Et veut pas me l'installer ce putain de logiciel. Putain de dealer. Pourquoi il veut pas te l'installer? Quoi, open erreur, c'est quoi ce délire? Bah je sais pas, j'en sais rien, c'est quoi ce délire? Attends. Et non, putain, qu'est-ce qu'il me fait, celui-là? Quand je vais aller sur le site avec mon PC là, ouais, il suffit qu'il se prenne pas comme ça correctement. C'est quoi, c'est roulant point machin ou quoi? Je t'avais envoyé le lien, c'est UA20. Udirol UA20. Quoi, c'est Udirol UA20? UA20, ouais. Après, il y a aussi un autre logiciel qui est aussi bien où tu peux enregistrer en même temps, c'est Digital Musician. C'est vraiment. Ah, quand même. Autorisez-vous au Windows à connecter un machin pour cette fois. Installer le logiciel automatiquement recommandé. Partir d'une liste, oui. Parcourir dans le bureau, j'en ai un, mais à chaque fois il met une page HTML le truc là. Normalement, t'as deux pilotes, il faut que t'en prennes Ouais. un des deux, je sais plus c'est lequel. Attends, je vais voir si ça marche comme ça. Je suis en train Parce d'installer que parce que moi n'a tu pas cliques été sur mauvais bien. serveur, sur mauvais driver. Ah, Il continuer. faut Ouais, que tu c'est bon, je crois que claques. c'est en train de me faire là, c'est bon. Comment ça est? Je crois que c'est Ah, il est en train de m'installer là, c'est WMV bon. ou un truc comme ça, parce que t'as deux pilotes. T'en as un qui marche bien, t'en as un Le qui Windows merde. ne reconnaît pas ce machin, j'en ai rien à foutre moi qui. Quoi, t'en as rien à foutre? Tu verras bien. T'as coupé.